toutes les plateformes Spotify, Apple et tout ce que vous pouvez pogner de podcasts. Salut Salut Danny, comment Nicolas. ça va? La fois qu'on est en Facebook Live, encore une fois, moi, je suis ébloui par mes gens. C'est moi qui va falloir qu'ils m'amènent, qu'ils créent dans le meilleur studio. Je fais mon collaborateur de la NFL vraiment un beau studio en arrière. Il n'arrête pas de dire ça fait NFL Network. Mon gars de soccer, lui, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Puis toi, les sénateurs, ça fait vraiment. Ça fait NHL Network Ben, également. Donc, ça m'a amené à faire. collaborer avec NHL Network, c'est oui, ça fait NHL Network. Ah, t'es vraiment NHL Network, tu Ouais, collabores. ben, une fois de temps en temps, ouais, je OK. fais de la collaboration pour eux. Ah, ouais, c'est vrai, parce que tu es le descripteur radiophonique des matchs des sénateurs. Donc, les partisans des sénateurs, s'il y a des gens qui ont des questions, je sais qu'il y a quelques dans mes amis Facebook, il y a des gens qui sont partisans des sénateurs. Vous avez le meilleur, là. Vous avez le Martin McGuire des sénateurs. Donc, Nicolas, on va parler des sénateurs. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, quand Jim Munich avait dit qu'il avait des aspirations à la Coupe Stanley, on a tous parti à rire et avec raison, là. Sauf qu'il y a quand même, c'est quand même pas normal ce qui se passe. Mais Est-ce que je me trompe? Matt Murray, qui n'a même pas de moyenne de 900. Thomas Chabot est blessé, je me trompe également. non, il était de retour. En fait, Ouais. légèrement blessé, là. Puis Ouais. hier, on nous a dit qu'il n'était pas disponible, puis finalement, il a été inséré, puis il a joué 28 minutes. Tim Stutzel, Alors, Stutzla. c'est Jimmy Stutzla. Stu. C'est sûr qu'il a 18 ans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que DJ Smith sont pas en danger? Écoute, je vais commencer au début. Quand tu dis Ouais. qu'on a ri de M. Melnyk quand il a déclaré qu'il voulait gagner la Coupe Stanley, je pense qu'il n'y a personne qui doit rire d'un propriétaire qui a comme aspiration de gagner la Oh Coupe non, Stanley. je Je pense sais que ça, c'est OK. le but ultime. Mais Ouais. sa prédiction de 5 ans d'un parallel success, de 5 ans de succès sans précédent, écoute, ça va venir quand on ne le sait pas. Les résultats ne sont pas là en ce moment. Puis, écoutez. Il y a plein de sujets, là. Et c'est sûr qu'il y a plein de brouillard, puis il y a plein de négatifs dans le monde des sénateurs en ce moment. Les joueurs qu'on est allé chercher pour compléter, les vétérans ne répondent pas. D'ailleurs, commentaire de DJ Smith hier après le match qui disait qu'il en demande plus de ses vétérans. Okay. C'est un peu comme jeter ton directeur général sous les projecteurs, puis on doit se tourner vers le directeur général, effectivement, pour peut-être avoir des explications sur ce qui se passe sur la glace. Puis je ne veux pas commencer à juger qui que ce soit, je comprends l'aspect humain et tout ça, puis je ne souhaite pas de mal à personne, mais les résultats ne sont pas là. Si on regarde côté positif, cependant, c'est que tu le mentionnes, Tim Stutzla, pour moi, est certainement la lumière au bout du tunnel dans tout ce brouillard-là. Il y a un peu de clarté avec ce tout-là. Gardons en tête que ce qui est de là arrive de la DEL, arrive du championnat mondial junior. Pas de camp d'entraînement, pas de match préparatoire. Arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, puis essaye un peu de trouver ses paramètres avec des joueurs qui ne sont pas nécessairement dans la chaise qu'ils devraient être avec lui. Puis je pense surtout à Tierney. Chris Tierney est un bon soldat, est un bon joueur de centre. Capable de faire des fonctions de neutralisatrice, d'être un bon pour affronter les meilleurs éléments. Mais de là à dire que c'est lui qui peut fournir un Stutzla day in, day out, un peu, on regarde un bonhomme qui se débrouille un peu par lui-même dans les temps qui courent, mais c'est correct de montrer ça. Ça me démontre que le futur est effectivement très brillant dans le cas du numéro 18. Puis du moment qu'il va trouver justement son air d'aller, watch out. Ceci OK. dit, ben, on aimerait ajouter un peu de viande autour de l'os, puis malheureusement, ben, l'os est assez maigrichon en ce OK. moment, mon cher Danny. Sénateur, est-ce que DJ Smith, son poste pourrait être en danger? Écoute, faut se rendre à l'évidence que, encore une fois, la performance n'est pas au rendez-vous. Puis, je me suis fait dire à maintes reprises que c'est pas un gars de X et de O, DJ Smith. Pas de problème, j'ai pas de mal à ça parce qu'il y a plusieurs rah-rah-rah des coachs comme ça qui sont rendus. Monsieur Demers qui a gagné une Coupe Stanley. Donc, ils sont rendus à ce niveau-là, pas parce que justement c'était des tout croches. Ils ont un pédigré, puis je reconnais ça également. Tu es dans la Ligue nationale de hockey parce que tu fais partie de la crème de la crème. Or, le style de DJ Smith en ce moment, qui est un rah-rah-rah, puis moins de X et de O, ne produit pas. Alors, quand tu traverses une séquence comme ça, tu es sur la glace, puis tes joueurs, c'était le fun, le rah-rah-rah, mais on ne répond pas, là. Alors, on tourne vers le coach, on dit, hey coach, OK, c'est correct, mais le système, puis tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment. Alors, je dois me rendre à OK. l'évidence que pour l'instant, DJ Smith n'est pas l'homme de la situation. Puis, si on regarde le pédigré ou l'historique des sénateurs d'Ali, je me permets un petit peu là, de dévier un peu, mais si on regarde les entraîneurs qui sont passés dans l'organisation des sénateurs, OK. Paul McLean, Tory Cloughton, John Paddock, vous avez Guy Boucher, Dave Cameron, Mark Crawford, tous en commun qu'ils ont été, oui, entraîneurs avec les Sénateurs, mais au-delà de tout ça, aucun ne s'est trouvé un poste d'entraîneur-chef ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on peut questionner l'évaluation qu'on fait des entraîneurs pour les Sénateurs? Je pense que oui, puis moi, en ce moment, je pense que DJ Smith, autant que Pierre Dorion, sont peut-être sur un siège, en tout cas, éjectable, pas là, panique, mais ça commence à bouillir, puis il va falloir qu'il se passe quelque chose. Parce que, Pierre Dorion, je trouve qu'il a fait un bon travail. Tu sais, tu regardes, il y a beaucoup de jeunes à Ottawa. Par contre, c'est, il y a beaucoup de bons jeunes, et c'est ça que je m'inquiète. C'était ma prochaine question, Pierre, pas Pierre, mais Nicolas. Tu sais, les Oilers d'Edmonton, il y avait beaucoup de jeunes également, mais le gâteau n'a jamais levé. Est-ce que le développement de ces jeunes-là dans un environnement aussi perdant, ça risque de nuire beaucoup? C'est une chose l'une. On dit qu'on ne veut pas amener les kids dans des environnements négatifs pour justement pas les briser, tout ça. Mais au moment où on se parle, les kids à qui on leur a demandé d'aller faire leur classe en AHL ne jouent pas. Il n'y a pas de match. Et c'est bien beau faire des ronces à la patinoire, mais il n'y a pas... Alors là, je pense qu'avec ce qu'on a dit hier, ça serait le temps de changer un peu nos mentalités puis d'ouvrir la porte pour ces jeunes-là. Puis je reviens à ce que je disais à mes collègues anglophones il n'y a pas une demi-heure, c'est que, écoutez, on a demandé, je vais prendre par exemple Eric Brännström. Eric Brännström, j'ai tout le temps dit, je me suis rendu en Ligue nationale de hockey, j'étais un gaucher, mais moi, j'ai tout le temps joué à droite. Or, on est boqué pour dire que si Brännström s'amène avec les Sénateurs, ça va être à gauche. On ne croit pas ça, un défenseur qui joue sur son côté non naturel. OK, pas de problème. Mais voulez-vous me croire ou voulez-vous me faire expliquer comment qu'on demande à un gars qui a grandi de cette façon-là, puis là, maintenant, on veut changer complètement sa façon de faire? Je prends un peu l'exemple d'un chirurgien, un chirurgien esthétique. On ne demande pas à un chirurgien esthétique de faire une opération au cerveau. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que là, tu es ici dans une certaine chaise. On te demande de changer complètement. Logan Brown. Ça, c'est un gros joueur de sang. T'es un de nos plus beaux. OK, pas trop, mais on va t'amener ici. On va te faire jouer 8 minutes par match. On va te faire jouer sur une quatrième trio. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Ça, pour moi, ça risque plus de briser le kid que de le laisser aller dans ta chaise et dire, gars, écoute, la corde est lousse. Vas-y. Quand tu te pèteras les dents, ben on va te ramener. Mais là, pour l'instant, vas-y, va jouer à l'identité qui t'a amené ici. Puis enlevons la pression, puis enlevons cette idée-là ou cette manie-là du moment qu'un kid fait une gaffe, on le sort, puis on le bench, puis on le met avec un... Ça ressemble à Montréal, ça, ce que tu me dis là. Ça ressemble aux Canadiens. Ça ressemble aux Canadiens avec le développement des jeunes. Puis c'est de valeur, parce que Logan Brown... Je suis pas dans l'univers du Canadien, mais je ne peux pas le dire pour ça, mais en ce moment, c'est... Tu en parles en masse, Nicolas. Tu n'entends parler beaucoup du Canadien, là, ou que tu es en Ottawa, mais quand même. Plus jamais, mon cher Danny. Justement, on va en parler du Canadien tout à l'heure. Parce que sur Facebook, mes amis trouvent négatif, puis je pense qu'on partage pas mal la même idée là-dessus. Mais c'est tout ça plate pour Logan Brown. Tu sais, le gros joueur de centre, c'est 6-7-3, 6-4, 210, 220 livres, Logan Brown, à peu près. Il me semble que le prototype de joueur, puis c'est un joueur de centre qui est un gros joueur de ce type-là, c'est long à développer. Mais c'est très long. Là. Je trouve ça plate dans le. Je vais me garder un peu. Comment je veux dire? Gardons la tête froide aussi. C'est que Logan Brown a aussi peut-être un problème de conscience et d'intensité. Puis doit encore une fois peut-être amener un petit peu plus de papier sablé. Mais c'est pas encore une fois en le faisant jouer, puis en le faisant jouer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque fois qu'il se présente sur la glace, qu'on va pouvoir l'aider à s'émanciper. Alors, moi, tout ce que je demande, c'est dans l'organisation, c'est arrêter justement de le faire jouer avec une pression additionnelle. C'est que le minding en ce moment, t'es pas assez bon, on va te sortir. Là, je regarde les kids en ce moment, puis tu parles de la confiance. Moi, je me mets dans la tête d'un kid qui s'est fait dire qu'il était pas assez bon pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Il a dit, va t'en faire tes classes en AHL. Mais regarde ce qui se passe dans son club. Puis il dit, waouh, tu me dis que je suis pas assez bon pour jouer là pendant qu'on a 9 défaites d'affilée. Écoutez, le calcul n'est pas bon. Non. Est-ce que les Cédric Paquette et les Matt Murray qui ont déjà gagné la Coupe Stanley, qui ont une mentalité un peu plus gagnant, qu'est-ce qu'ils sont là-dedans? Matt Murray connaît une saison très décente, même pas en bas de 900. Ça, c'est une grosse déception. Là. C'est une énorme déception à Ottawa. Il y avait des questionnements du moment qu'on a parlé de Matt Murray, puis je veux dire, c'est pas nous ici seulement, c'est à travers la Ligue nationale de hockey. Je pense que Matt Murray avait un problème de constance, c'était reconnu en saison régulière. Il était capable d'être dominant, très dominant en série, pas de problème, puis on lui dit chapeau, mais on a vu qu'il y avait des signes qui n'étaient pas nécessairement concluants durant la saison régulière. Alors, pour lui, avec comme mission, il a toujours comme mission de prouver qu'il est capable de faire la besogne dans un rôle de numéro un, et ça pour une saison au complet. Ben, malheureusement, je pense que la réalité est en train de nous revenir dans le front, puis ça pourrait devenir un gros problème, mais gardons espoir en ce qui est de McMurray. Tu parles de Cédric Paquette. Dans le cas de Cédric Paquette, je me mets encore dans la tête d'un gars qui a vécu toute l'effervescence de gagner une Coupe Stanley, le meilleur club dans la Ligue nationale de hockey. Tu passes du meilleur et dans un endroit très chaud et très convivial pour ceux qui aiment le soleil, et tu t'en vas dans la capitale canadienne, le pire club et tout ça. La période d'adaptation, non seulement sur la glace, mais entre les deux oreilles, a dû se faire. Puis, bien honnêtement, je ne veux pas faire un procès d'intention à Cédric, que je trouve très sympathique, mais je pense sérieusement qu'il y a encore une partie de lui qui est toujours à tempo. Et c'est normal. C'est normal, on ne peut pas le blâmer. Là, tu es un professionnel, puis il faut que tu embarques dans la danse. Puis je pense sérieusement que c'est encore une acquisition intéressante dans le cas de Paquette, mais j'espère qu'il va pouvoir encore une fois trouver sa chaise, sa place, et on va pouvoir le mettre dans des positions qu'il va pouvoir. Je reviens sur Matt Murray. Est-ce que le fait que les Sénateurs avaient de la misère à avoir le plancher, puisque ça prenait un plancher salarial, ça a fait en sorte que c'est lui, parce qu'il commande un gros salaire Je pense que ce n'était pas dans cette optique-là. Parce qu'il y avait peut-être d'autres joueurs qu'on aurait pu acquérir. On aurait pu aller chercher des contrats encore lourds. Pour avoir le plancher. On croyait vraiment que Matt Murray pouvait se relancer avec les Sénateurs d'Ottawa. Puis il faut encore le croire. Mais là, si on fait. Regardez, là. Moi, je pense que le statu quo n'est pas de mise. Il va falloir que quelque chose se passe au deuxième étage, au niveau de l'organigramme du coaching. Puis encore une fois, en parlant avec quelques amis. Quelques observateurs dans le monde des médias, on dit que, écoutez, c'est bien correct comme ça, mais si on ne passe pas la vadrouille du côté du directeur général, si on ne sévit pas du côté de l'entraîneur-chef, il y a quelqu'un quelque part autour de lui qui va payer. Et là, quand on parle de performance de gardien, on a commencé à se tourner et puis à parler justement d'entraîneur des coachs. J'adore Pierre Gros, puis sérieux, si j'apprécie une personne, mais en ce moment, ça doit bouillir également pour lui. Puis son protégé, Matt Murray, c'est pas un travail de le recentrer, c'est de reconstruire carrément sa confiance. Puis malheureusement pour les Sénateurs, c'est pas seulement dans le cas de Murray. Hochberg hier, je sais pas si vous avez vu la séquence, le but de Dreisaitl, ma foi, le gars était hors position, complètement sorti. Je pense que un gardien, en tout cas, non, encore une fois, je veux pas mettre de la bouillabaisse sur la tête de ce jeune-là, mais on voit qu'il y a des carences énormes au niveau des gardiens de but, puis malheureusement, autant l'un que l'autre ne performe même pas à la hauteur d'un gardien numéro 2. Okay. Nicolas, dernier point que je veux t'emmener sur, on en a parlé en dehors des ondes hier, beaucoup, beaucoup de gens sont excités au Québec du Canadien de Montréal, avec raison, tu sais, hier, les gens disaient hier, t'es donc bien négatif, on peut-tu apprécier le bon hockey, je suis tout d'accord avec ça, et Marc Bergevin a fait du travail colossal. Par contre, je pense qu'on partage la même opinion. Gardons-nous une petite gêne, parce que le Canadien, là, c'est 10 matchs contre les Sénateurs. Les Canucks, ça ne semble pas fort. Faut garder la perspective que la division canadienne sera dominée par le Canadien avec ce qu'ils nous ont donné. Puis tant mieux. On doit applaudir. Puis si vous êtes un fan des Canadiens, ben je vous applaudis parce que ça semble être votre année en ce moment. Dans la division. Mais je pense que le gros test pour le Canadien sera quand ils vont sortir justement de cette division-là, quand ils vont affronter d'autres gros programmes. C'est là que le test sera là. Puis, comme tu l'as dit, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des formations qui sont assez faibles, merci. Puis, en passant, s'ils ont détruit Vancouver, qui ont détruit les Sénateurs, j'ai pas hâte de voir les Sénateurs demain contre les Canadiens. Mais ça sera pour un autre tantôt. Ouais. Tu parles on parle beaucoup de Marc Bergevin. Tant mieux, il a eu la main heureuse. Puis je veux donner le crédit. Je veux garder le crédit à M. Bergevin, mais souvent à mon émission dans le vestiaire, je lui dis OK, pas trop, mais la perspective, si je joue l'avocat du diable, il est rendu à sa 9e tentative. À un moment donné, je veux dire, je pense que d'autres équipes auraient passé à d'autres choses avant ça. Mais tant mieux, on a été patients. Mais également, je vais rappeler une chose, c'est que dans le modèle de la Ligue nationale de hockey de nos jours, le modèle est. Tu repêches et t'élèves tes joueurs, puis tu les fais grandir dans ton organisation. Or, en ce moment, ce qu'on a du côté du Canadien, sans encore manquer de respect, c'est une équipe pick-up. C'est qu'on est allé chercher des joueurs, on est allé les colmater, Puis là, le gâteau a pris. C'est une formule, malheureusement, qui n'est pas prouvée, qui n'est pas maintenable dans le hockey de nos jours. Mais pour l'instant, ben, tant mieux pour les Canadiens. Puis on verra bien si on pourra mettre la main sur un 25e grade. Bravo. Puis non, c'est parce qu'il faut toujours se garder une petite gêne puis partir. Pas partir dans la peur. Parce que garder les pieds à terre. Puis, faut garder les pieds à terre. Il y a tellement de choses, des blessures, des impondérables. Il y en a, là. Il y en a en masse. Alors, non, mais pour l'instant, regarde, bravo. Puis le hockey est beau, là. Il y a du très bon hockey pour le moment. Hey, Nicolas, dernier point, je voulais, c'est plus du sport. Est-ce que tu entends parler hier à Radio X, hier, on disait à Québec, on disait qu'il est temps de ramener. C'est un gars un amateur de baseball qui disait il était que j'espère que les Jays vont jouer à Toronto cette année. Est-ce que du côté d'Ottawa, t'es plus du côté de la région ottawaise, là, donc et ottawaise et l'Ontario, est-ce qu'on commence à mettre de la pression pour que les Jays jouent à Toronto? Est-ce que tu entends parler de quelque chose là-dessus? Parce qu'ils vont avoir toute une équipe et avoir des spectateurs. Pour ce qui est des Jays, puis comme toute formation professionnelle, on vit au dépens des instances gouvernementales. Puis pour l'instant, bien, si je prends l'exemple des équipes de la AHL, on attend toujours le hockey du gouvernement à savoir si on peut jouer. Alors, je pense que c'est le dilemme, malheureusement, pour les Jays. Je pense que le temps joue en leur faveur. On pourrait avoir justement une conclusion à cette pandémie-là d'ici à ce qu'on commence. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer sur la route pour peut-être les rapatrier ici en se donnant une petite marge de manœuvre? Je pense que oui aussi. Parce que là, il est temps, je pense, que les équipes canadiennes, à un moment donné, là, d'ici une couple de mois, jouent au Canada. Là. On va garantir une chose, c'est qu'ils vont recommencer à rejouer à un moment donné. Mais là, encore une fois, avec la pandémie qui sévit, avec les vaccins qui n'arrivent pas, il faut être prudent. On commence à penser à changer justement la couleur la couleur du rouge au orange ici dans les régions, un peu au diapason de ce qui se passe au Québec. Moi, je suis à Ottawa, évidemment. Alors, il y a de l'espoir, mais je pense que tant qu'on n'aura pas justement là une livraison, une cargaison de vaccins, puis on va pouvoir justement faire commencer à rouler la machine, je pense qu'on doit douter peut-être d'un début à domicile pour les Blue Jays, mais plus la saison va progresser, je pense qu'on aura un retour à la normale. Dernier point qui me vient, dernière question qui me vient à l'esprit, là, je suis en train de l'oublier. Le centre Vidéotron est vide depuis des années. Là. À long terme, est-ce que le Canadien, on oublie le Rocket, le Canadien est à Laval pour des années, mais est-ce que c'est possible que les sénateurs déménagent à Québec? Parce que les Nordiques, on oublie ça, ils n'en reviendront pas, le centre Vidéotron est vide. Est-ce que c'est possible, une possibilité que les... Tu vois tout ça que les sénateurs déménagent son club ferme à Québec? Oui. Club ferme? À Belleville, tu parles de les sénateurs? Sérieusement. Puis honnêtement, est-ce qu'on peut penser que ça fonctionnerait, la Ligue américaine, puis peut-être que la nouvelle génération, mais en étant un ancien fan des Nordiques, moi je me souviens quand on a essayé de faire venir la Ligue internationale et tout ça, après qu'on ait goûté à la Ligue nationale de hockey, on semble un peu dire que c'est un sous-produit. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnerait. Un club école pour un autre club que les sénateurs, possible, pourquoi pas. Je pense que Québec est certainement une belle terre d'accueil avec un bel édifice, comme tu le dis. Je pense que le rêve de voir un retour des Nordiques éventuel ou peu importe, je pense que c'est... Mais à un moment donné, il faudrait peut-être faire un travail, justement, et de voir une formation s'amener ici comme un club école, parce que je pense que honnêtement, Québec mérite d'avoir une formation du hockey de qualité. Même si on a les remparts là-bas. Alors, regarde, c'est un beau problème. Puis en ce moment, ben, c'est un bel éléphant qu'on a dans la capitale. Nicolas, continue ton beau travail. J'adore ton studio de NHL Network. Fait qu'on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Bye-bye. Nicolas Saint-Pierre, le descripteur des matchs des sénateurs. Merci, Nicolas. Gros merci. Merci, c'est beau. Salut.